Livre deuxième ou deuxième partie. Monde spirit ou des esprits. Chapitre premier. Des esprits. Ce chapitre regroupe 8 grands titres. Origine et nature des esprits. Monde normal primitif. Forme et ubiquité des esprits. Périsprit. Différents ordres d'esprit, échelle spirit, progression des esprits, anges et démons. Premier grand titre. Origine et nature des esprits. Repère 76, question. Quelle définition peut-on donner des esprits? Réponse. On peut dire que les esprits sont les êtres intelligents de la création. Ils peuplent l'univers en dehors du monde matériel. Nota bene. Le mot esprit est employé ici pour désigner les individualités des êtres extracorporels et non plus l'élément intelligent universel. Repère 77. Les esprits sont-ils des êtres distincts de la divinité ou bien ne seraient-ils que des émanations ou portions de la divinité et appelés, pour cette raison, fils ou enfants de Dieu? Réponse. Mon Dieu, c'est son œuvre, absolument comme un homme qui fait une machine. Cette machine est l'œuvre de l'homme et non pas de lui, et non pas lui. Tu sais que, quand l'homme fait une chose belle, utile, il l'appelle son enfant, sa création. Eh bien, il en est de même de Dieu. Nous sommes ses enfants, puisque nous sommes son œuvre. Repère 78. Question. Les esprits ont-ils eu un commencement, ou bien sont-ils comme Dieu, de toute éternité? Réponse. Si les esprits n'avaient point eu de commencement, ils seraient égaux à Dieu, tandis qu'ils sont sa création et soumis à sa volonté. Dieu est de toute éternité, cela est incontestable. Mais savoir quand et comment il nous a créés, nous n'en savons rien. Tu peux dire que nous sommes sans commencement si tu entends par là que Dieu étant éternel, il a dû créer sans relâche. Mais quand et comment chacun de nous a été fait, je te dis encore, nul ne le sait. C'est là qu'est le mystère. Repère 79. Question. Puisqu'il y a deux éléments généraux dans l'univers, l'élément intelligent et l'élément matériel, pourrait-on dire que les esprits sont formés de l'élément intelligent, comme les corps inertes sont formés de l'élément matériel? Réponse. C'est évident. Les esprits sont l'individualisation du principe intelligent, comme les corps sont l'individualisation du principe matériel. C'est l'époque et le mode de cette formation qui sont inconnus. Repère 80. Question. La création des esprits est-elle permanente, ou bien n'a-t-elle eu lieu qu'à l'origine des temps? Réponse. Elle est permanente, c'est-à-dire que Dieu n'a jamais cessé de créer. Repère 81. Les esprits se forment-ils spontanément, ou bien procèdent-ils les uns des autres? Réponse. Dieu les crée, comme toutes les autres créatures, par sa volonté. Mais, encore une fois, leur origine est un mystère. Repère 82. Question. Est-il exact de dire que les esprits sont immatériels? Réponse. Comment peut-on définir une chose quand on manque de termes de comparaison et avec un langage insuffisant? Un aveugle né peut-il définir la lumière? Immatériel n'est pas le mot. Incorporel serait plus exact, car tu dois bien comprendre que l'esprit étant une création doit être quelque chose. C'est une matière quintessentiée, mais sans analogue pour vous, et si éthérée qu'elle ne peut tomber sous vos sens. Commentaire. Nous disons que les esprits sont immatériels parce que leurs essences diffèrent de tout ce que nous connaissons sous le nom de matière. Un peuple d'aveugles n'aurait point de terme pour exprimer la lumière et ses effets. L'aveugle de naissance croit avoir toutes les perceptions par l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Il ne comprend pas les idées qui lui donneraient le sens qui lui manque. De même, pour l'essence des êtres surhumains, nous sommes de véritables aveugles. Nous ne pouvons les définir que par des comparaisons toujours imparfaites ou par un effort de notre imagination. Repère 83. Question. Les esprits ont-ils une fin? On comprend que le principe d'où ils émanent soit éternel, mais ce que nous demandons, c'est si leur individualité a un terme et si, dans un temps donné, plus ou moins long, l'élément dont ils sont formés ne se dissémine pas et ne retourne pas à la masse, comme cela a lieu pour les corps matériels. Il est difficile de comprendre qu'une chose qui a commencé puisse ne pas finir. Réponse. Il y a bien des choses que vous ne comprenez pas, parce que votre intelligence est bornée, et ce n'est pas une raison pour les repousser. L'enfant ne comprend pas tout ce que comprend son père, ni l'ignorant tout ce que comprend le savant. Nous te disons que l'existence des esprits ne finit point. C'est tout ce que nous pouvons dire maintenant. Grand titre. Monde normal primitif. Repère 84. Question. Les esprits constituent-ils un mode, un monde à part, en dehors de celui que nous voyons? Réponse. Oui, le monde des esprits ou des intelligences incorporelles. Repère 85. Question. Quel est celui des deux, le monde spirit ou le monde corporel, qui est le principe dans l'ordre des choses? Réponse. Le monde spirit, il est pré-existant à tout. Repère 86. Question. Le monde corporel pourrait-il cesser d'exister ou n'avoir jamais existé sans altérer l'essence du monde spirit? Réponse. Oui, ils sont indépendants. Et pourtant, leur corrélation est incessante, car ils réagissent incessamment l'un sur l'autre. Repère 87. Les esprits occupent-ils une région déterminée et circonscrite dans l'espace? Réponse. Les esprits sont partout. Les espaces infinis en sont peuplés à l'infini. Il y en a sans cesse à vos côtés qui vous observent et agissent sur vous à votre insu, car les esprits sont une des puissances de la nature et les instruments dont Dieu se sert pour l'accomplissement de ses vues providentielles. Mais tous ne vont pas partout, car il est des régions interdites aux moins avancées. Grand titre. Forme et ubiguïté des esprits. Repère 88. Question. Les esprits ont-ils une forme déterminée, limitée et constante? Réponse. À vos yeux, non. Au nôtre, oui. C'est, si vous voulez, une flamme, une lueur ou une étincelle éthérée. Question. Cette flamme ou étincelle a-t-elle une couleur quelconque? Réponse. Pour vous, elle varie du sombre à l'éclat du rubis, selon que l'esprit est plus ou moins pur. Commentaire. On représente ordinairement les génies avec une flamme ou une étoile sur le front. C'est une allégorie qui rappelle la nature essentielle des esprits. On la place au sommet de la tête, parce que là est le siège de l'intelligence. Repère 89. Question. Les esprits mettent-ils un temps quelconque à franchir l'espace? Réponse. Oui, mais rapide comme la pensée. Question. La pensée n'est-elle pas l'âme elle-même qui se transporte? Réponse. Quand la pensée est quelque part, l'âme y est aussi, puisque c'est l'âme qui pense. La pensée est un attribut. Repère 90. Question. l'esprit qui se transporte d'un lieu à un autre, a-t-il conscience de la distance qu'il parcourt et des espaces qu'il traverse? Ou bien est-il subitement transporté dans l'endroit où il veut aller? Réponse. L'un et l'autre. L'esprit peut très bien, s'il le veut, se rendre compte de la distance qu'il franchit, mais cette distance peut aussi s'effacer complètement. Cela dépend de sa volonté et aussi de sa nature plus ou moins épurée. Repère 91. Question. La matière fait-elle obstacle aux esprits? Réponse. Non. Il pénètre tout. L'air, la terre, les eaux, le feu même leur sont également accessibles. Repère 92. Question. Les esprits ont-ils le don d'ubiguïté? Ou en d'autres termes, le même esprit peut-il se diviser ou exister sur plusieurs points à la fois? Réponse. Il ne peut y avoir division du même esprit, mais chacun est un centre qui rayonne de différents côtés, et c'est pour cela qu'il paraît être en plusieurs endroits à la fois. Tu vois le soleil, il n'est qu'un, et pourtant il rayonne tout alentour et porte ses rayons fort loin. Malgré cela, il ne se divise pas. Question. Tous les esprits rayonnent-ils avec la même puissance? Réponse. Ils s'en faut de beaucoup. Cela dépend du degré de leur pureté. Commentaire. Chaque esprit est une unité invisible, mais chacun d'eux peut étendre sa pensée de divers côtés sans pour cela se diviser. C'est en ce sens seulement qu'on doit entendre le don d'ubiguïté attribué aux esprits, telle une étincelle qui projette au loin sa clarté et peut être aperçue de tous les points de l'horizon, tel encore un homme qui, sans changer de place et sans se partager, peut transmettre des ordres, des signaux et le mouvement sur différents points. Grand titre. Périsprit. Repère 93. Question. L'esprit, proprement dit, est-il à découvert, ou est-il, comme quelques-uns le prétendent, environné d'une substance quelconque? Réponse. L'esprit est enveloppé d'une substance vaporeuse pour toi, mais encore bien grossière pour nous. Assez vaporeuse cependant pour pouvoir s'élever dans l'atmosphère et se transporter où il veut. Commentaire. Comme le germe d'un fruit est entouré du périsperme, de même l'esprit proprement dit est environné d'une enveloppe que, par comparaison, on peut appeler périsprit. Repère 94. Question. Où l'esprit puise-t-il son enveloppe semi-matérielle? Réponse. Dans le fluide universel de chaque globe. C'est pourquoi elle n'est pas la même dans tous les mondes. En passant d'un monde à l'autre, l'esprit change d'enveloppe comme vous changez de vêtements. Question. Ainsi, quand les esprits qui habitent des mondes supérieurs viennent parmi nous, ils prennent un périsprit plus grossier? Réponse. Il faut qu'ils se revêtent de votre matière, nous l'avons dit. Repère 95. Question. L'enveloppe semi-matérielle de l'esprit affecte-t-elle des formes déterminées et peut-elle être perceptible? Réponse. Oui, une forme au gré de l'esprit, et c'est ainsi qu'il vous apparaît quelquefois, soit dans les songes, soit à l'état de veille, et qu'il peut prendre une forme visible et même palpable. Grand titre. Différents ordres d'esprit. Repère 96. Question. Les esprits sont-ils égaux ou bien existe-t-il entre eux une hiérarchie quelconque? Réponse. Ils sont de différents ordres selon le degré de perfection auquel ils sont parvenus. Repère 97. Question. Y a-t-il un nombre déterminé d'ordres ou de degrés de perfection parmi les esprits? Réponse. Le nombre en est illimité, parce qu'il n'y a pas entre ces ordres une ligne de démarcation tracée comme une barrière. et qu'ainsi on peut multiplier ou restreindre les divisions à volonté. Cependant, si on considère les caractères généraux, on peut les réduire à trois principaux. On peut placer au premier rang ceux qui sont arrivés à la perfection, les purs esprits. Ceux du second ordre sont arrivés au milieu de l'échelle. Le désir du bien est leur préoccupation. Ceux du dernier degré sont encore au bas de l'échelle, les esprits imparfaits. Ils sont caractérisés par l'ignorance, le désir du mal et toutes les mauvaises passions qui retardent leur avancement. Repère 98. Question. Les esprits du second ordre n'ont-ils que le désir du bien? Ont-ils aussi le pouvoir de le faire? Réponse. Ils ont ce pouvoir suivant le degré de leur perfection. Les uns ont la science, les autres ont la sagesse et la bonté, mais tous ont encore des épreuves à subir. Repère 99. Question. Les esprits du troisième ordre sont-ils tous essentiellement mauvais? Réponse. Non. Les uns ne font ni bien ni mal. D'autres, au contraire, se plaisent au mal et sont satisfaits quand ils trouvent l'occasion de le faire. Et puis, il y a encore des esprits légers ou follets, plus brouillons que méchants, qui se plaisent plutôt à la malice qu'à la méchanceté, et qui trouvent leur plaisir à mystifier et à causer de petites contrariétés dont ils rient. Grand titre. Échelle spirit. Repère 100. Commentaire. Observation préliminaire. Deux points. La classification des esprits est basée sur le degré de leur avancement, sur les qualités qu'ils ont acquises et sur les imperfections dont ils ont encore à se dépouiller. Cette classification, du reste, n'a rien d'absolu. Chaque catégorie ne présente un caractère tranché que dans son ensemble. Mais, d'un degré à l'autre, la transition est insensible et sur les limites, la nuance s'efface comme dans les règnes de la nature, comme dans les couleurs de l'arc-en-ciel, ou bien encore comme dans les différentes périodes de la vie de l'homme. On peut donc former un plus moins grand nombre de classes, selon le point de vue sous lequel on considère la chose. Il en est ici, comme dans tous les systèmes de classification scientifique, ces systèmes peuvent être plus ou moins complets, plus ou moins rationnels, plus ou moins commodes pour l'intelligence. Mais, quels qu'ils soient, ils ne changent rien au fond de la science. Les esprits interrogés sur ce point ont donc pu varier dans le nombre de catégories, sans que cela tire à conséquence. On s'est armé de cette contradiction apparente, sans réfléchir qu'ils n'attachent aucune importance à ce qui est purement convention. Pour eux, la pensée est tout. Ils nous abandonnent la forme, le choix des termes, les classifications, en un mot, les systèmes. Ajoutons encore cette considération que l'on ne doit jamais perdre de vue. C'est que parmi les esprits, aussi bien que parmi les hommes, il en est de forts ignorants et qu'on ne saurait trop se mettre en garde contre la tendance à croire que tous doivent tout savoir parce qu'ils sont esprits. Toute classification exige de la méthode, de l'analyse et la connaissance approfondie du sujet. Or, dans le monde des esprits, ceux qui ont des connaissances bornées sont, comme ici-bas, les ignorants, inhabiles à embrasser un ensemble, à formuler un système. Ils ne connaissent ou ne comprennent qu'imparfaitement toute classification quelconque. Pour eux, tous les esprits qui leur sont supérieurs sont du premier ordre, sans qu'ils puissent apprécier les nuances de savoir, de capacité et de moralité qui les distinguent. Comme parmi nous, un homme brut à l'égard des hommes civilisés. Ceux-mêmes qui en sont capables peuvent varier dans les délais selon leur point de vue, surtout quand une division n'a rien d'absolu. Linné, Jussieu, Tournefort ont eu chacun leur méthode, et la botanique n'a pas changé pour cela. C'est qu'ils n'ont inventé ni les plantes, ni leur caractère. Ils ont observé les analogies d'après lesquels ils ont formé les groupes ou classes. C'est ainsi que nous avons procédé. Nous n'avons inventé ni les esprits, ni leurs caractères. Nous avons vu et observé, nous les avons jugés à leurs paroles et à leurs actes, puis classés par similitude, en nous basant sur les données qu'ils nous ont fournies. Les esprits admettent généralement trois catégories principales ou trois grandes divisions. Dans la dernière, celle qui est au bas de l'échelle, sont les esprits imparfaits, caractérisés par la prédominance de la matière sur l'esprit et la prépension au mal. Ceux de la seconde sont caractérisés par la prédominance de l'esprit sur la matière et par le désir du bien. Ce sont les bons esprits. La première, enfin, comprend les purs esprits, ceux qui ont atteint le suprême degré de perfection. Cette division nous semble parfaitement rationnelle et présente des caractères bien tranchés. Il ne nous reste plus qu'à faire ressortir, par un nombre suffisant de subventions, les nuances principales de l'ensemble. C'est ce que nous avons fait avec le concours des esprits, dont les instructions bienveillantes ne nous ont jamais fait défaut. À l'aide de ce tableau, il sera facile de déterminer le rang et le degré de supériorité ou d'infériorité des esprits avec lesquels nous pouvons entrer en rapport et, par conséquent, le degré de confiance et d'estime qu'ils méritent. C'est en quelque sorte la clé de la science spirite, car il peut seul rendre compte des anomalies que présentent les communications en nous éclairant sur l'inégalité intellectuelle et morale des esprits. Nous ferons observer, toutefois, que les esprits n'appartiennent pas toujours exclusivement à telle ou telle classe, leur progrès ne s'accomplissant que graduellement, et souvent, plus dans un sens que dans un autre, ils peuvent réunir les caractères de plusieurs catégories, ce qu'il est aisé d'apprécier à leur langage et à leurs actes. Petit titre. Troisième ordre, ou esprit imparfait. Repère 101. Commentaire. Caractères généraux. 2. Prédominance de la matière sur l'esprit, propension au mal, ignorance, orgueil, égoïsme et toutes les mauvaises passions qui en sont la suite. Ils ont l'intuition de Dieu, mais ils ne le comprennent pas. Tous ne sont pas essentiellement mauvais. Chez quelques-uns, il y a plus de légèreté, d'inconséquence et de malice que de véritable méchanceté. Les uns ne font ni bien ni mal, mais pour cela seul qu'ils ne font point de bien, ils dénotent leur infériorité. D'autres, au contraire, se plaisent au mal et sont satisfaits quand ils trouvent l'occasion de le faire. Ils peuvent allier l'intelligence à la méchanceté ou à la malice, mais quel que soit leur développement intellectuel, leurs idées sont peu élevées et leurs sentiments plus ou moins abjects. Leurs connaissances sur les choses du monde spirite sont bornées, et le peu qu'ils savent se confond avec les idées et les préjugés de la vie corporelle. Ils ne peuvent nous en donner que des notions fausses et incomplètes. Mais l'observateur attentif trouve souvent, dans leurs communications, même imparfaites, la confirmation de grandes vérités enseignées par les esprits supérieurs. Leur caractère se révèle par leur langage. Tout esprit qui, dans ses communications, trahit une mauvaise pensée peut être rangé dans le troisième ordre. Par conséquent, toute mauvaise pensée qui nous est suggérée nous vient d'un esprit de cet ordre. Ils voient le bonheur des bons, et cette vue est pour eux un tourment incessant, car ils éprouvent toutes les angoisses que peuvent produire l'envie de la jalousie. L'envie et la jalousie. Ils conservent le souvenir et la perception des souffrances de la vie corporelle, et cette impression est souvent plus pénible que la réalité. Ils souffrent donc véritablement, et des maux qu'ils ont endurés, de ceux qu'ils ont fait endurer aux autres. Et comme ils souffrent longtemps, ils croient souffrir toujours. Dieu, pour les punir, veut qu'ils le croient ainsi. On peut les diviser en 5 classes principales. Repère 102. 10e classe. Esprit impur. Ils sont enclins au mal et en font l'objet de leurs préoccupations. Comme esprit, ils donnent des conseils perfides, insufflent la discorde et la défiance et prennent tous les masques pour mieux tromper. Ils s'attachent aux caractères assez faibles pour céder à leurs suggestions afin de les pousser à leur perte, satisfaits de pouvoir retarder leur avancement en les faisant succomber dans les épreuves qu'ils subissent. Dans les manifestations, on les reconnaît à leur langage, la trivialité et la grossièreté des expressions, chez les esprits comme chez les hommes, est toujours un indice d'infériorité morale, sinon intellectuelle. Leur communication décèle la bassesse de leur inclinaison. Et s'ils veulent faire prendre la charge en parlant d'une manière sensée, ils ne peuvent longtemps soutenir leur rôle et finissent toujours par trahir leur origine. Certains peuples en ont fait des divinités malfaisantes, d'autres les désignent sous le nom de démons, mauvais génies, esprits du mal. Les êtres vivants qu'ils animent, quand ils sont incarnés, sont enclins à tous les vices qu'engendrent les passions viriles et dégradantes. La sensualité, la cruauté, la fourberie, l'hypocrisie, la cupidité, l'avarice sordide. Ils font le mal pour le plaisir de le faire. Le plus souvent sans motif et par haine du bien, ils choisissent presque toujours leurs victimes parmi les honnêtes gens. Ce sont des fléaux pour l'humanité, à quelque rang de la société qu'ils appartiennent, et le vernis de la civilisation ne les garantit pas de l'opprobre et de l'ignominie. Repère 103. 9e classe. Esprit léger. Ils sont ignorants, malins, inconséquents et moqueurs. Ils se mêlent de tout, répondent à tout, sans se soucier de la vérité. Ils se plaisent à causer de petites peines et de petites joies, à faire des tracasseries, à induire malicieusement en erreur par des mystifications et des espiègleries. À cette classe appartiennent les esprits vulgaires, vulgairement désignés sous le nom de follets, lutins, gnomes, farfadets. Ils sont sous la dépendance des esprits supérieurs qui les emploient souvent, comme nous le faisons des serviteurs. Dans leur communication avec les hommes, leur langage est quelquefois spirituel et facétieux, mais presque toujours sans profondeur. Ils saisissent les travers et les ridicules qu'ils expriment en traits mordants et satiriques. S'ils empruntent des noms supposés, c'est plus souvent par malice que par méchanceté. Persan 4. 8e classe. Esprit faux savant. Leurs connaissances sont assez étendues, mais ils croient savoir plus qu'ils ne savent en réalité. Ayant accompli quelques progrès à divers points de vue, leur langage a un caractère sérieux qui peut donner le change sur leur capacité et leur lumière. Mais ce n'est le plus souvent qu'un reflet de préjugés et des idées systématiques de la vie terrestre. C'est un mélange de quelques vérités à côté des erreurs les plus absurdes, au milieu desquelles perce la présomption, l'orgueil, la jalousie et l'entêtement dont ils n'ont pu se dépouiller. Repère 105. 7e classe. Esprit neutre. Ils ne sont ni assez bons pour faire le bien, ni assez mauvais pour faire le mal. Ils penchent autant vers l'un que vers l'autre et ne s'élèvent pas au-dessus de la condition vulgaire de l'humanité, tant pour le moral que pour l'intelligence. Ils tiennent aux choses de ce monde dont ils regrettent les joies grossières. Repère 106, 6e classe. Esprit frappeur et perturbateur. Ces esprits ne forment point, à proprement parler, une classe distincte, au regard à leur qualité personnelle. Ils peuvent appartenir à toutes les classes du troisième ordre. Ils manifestent souvent leur présence par des effets sensibles et physiques, tels que des coups, le mouvement et le déplacement anormal des corps solides, l'agitation de l'air, etc. Ils paraissent, plus que d'autres, attachés à la matière. Ils semblent être les agents principaux des vicissitudes des éléments du globe, soit qu'ils agissent sur l'air, l'eau, le feu, le corps dur ou dans les entrailles de la terre. On reconnaît que ces phénomènes ne sont point dus à une cause fortuite et physique quand ils ont un caractère intentionnel et intelligent. Tous les esprits peuvent produire ces phénomènes, mais les esprits élevés les laissent en général dans les attributions des esprits subalternes, plus aptes aux choses matérielles qu'aux choses intelligentes. Quand ils jugent que des manifestations de ce genre sont utiles, ils se servent de ces esprits comme auxiliaires. Second ordre. Bons esprits. Repères 107. Caractères généraux. Prédominance de l'esprit sur la matière. Désir du bien. Leurs qualités et leurs pouvoirs pour faire le bien sont en raison du degré auquel ils sont parvenus. Les uns ont la science, les autres la sagesse et la bonté. Les plus avancés réunissent le savoir aux qualités morales. N'étant point encore complètement dématérialisés, ils conservent plus ou moins, selon leur rang, les traces de l'existence corporelle, soit dans la forme du langage, soit dans leurs habitudes, où l'on retrouve même quelques-unes de leurs manies. Autrement, ils seraient esprits parfaits. Ils comprennent Dieu et l'infini, et jouissent déjà de la félicité des bons. Ils sont heureux du bien qu'ils font et du mal qu'ils empêchent. L'amour qui les unit est pour eux la source d'un bonheur ineffable que n'altère ni l'envie, ni les remords, ni aucune des mauvaises passions qui font le tourment des esprits imparfaits. Mais tous ont encore des épreuves à subir jusqu'à ce qu'ils aient atteint la perfection absolue. Comme esprit, ils suscitent de bonnes idées, de bonnes pensées, détournent les hommes de la voie du mal, protègent dans la vie ceux qui s'en rendent dignes et neutralisent l'influence des esprits imparfaits chez ceux qui ne se complaisent pas à la subir. Ceux en qui ils sont incarnés sont bons et bienveillants pour leurs semblables. Ils ne sont mus ni par l'orgueil, ni par l'égoïsme, ni par l'ambition. Ils n'éprouvent ni haine, ni rancune, ni envie, ni jalousie, et font le bien pour le bien. À cet ordre appartient les esprits désignés dans les croyances vulgaires sous les noms de bon génie, génie protecteur, esprit du bien. Dans les temps de superstition et d'ignorance, on en a fait des divinités bienfaisantes. On peut les diviser en quatre groupes principaux. 2 points. Repère 108. Cinquième classe. Esprit bienveillant. Leur qualité dominante est la bonté. Ils se plaisent à rendre service aux hommes et à les protéger. Mais leur savoir est borné. Leur progrès s'est plus accompli dans le sens moral que dans le sens intellectuel. Repère 109. Quatrième classe. Esprit savant. Ce qui les distingue spécialement, c'est l'étendue de leurs connaissances. Ils se préoccupent moins des questions morales que des questions scientifiques, pour lesquelles ils ont plus d'aptitude. Mais ils n'envisagent la science qu'au point de vue de l'utilité et n'y mêlent aucune des passions, qui sont le propre des esprits imparfaits. Repère 110. Troisième classe. Esprit sage. Les qualités morales de l'ordre le plus élevé forment leur caractère distinctif. Sans avoir des connaissances illimitées, ils sont doués d'une capacité intellectuelle qui leur donne un jugement sain sur les hommes et sur les choses. Repère 111. Deuxième classe. Esprit supérieur. Ils réunissent la science, la sagesse et la bonté. Leur langage ne respire que la bienveillance. Il est constamment digne, élevé, souvent sublime. Leur supériorité les rend plus que les autres aptes à nous donner les notions les plus justes sur les choses du monde incorporel, dans les limites de ce qu'il est permis à l'homme de connaître. Ils se communiquent volontiers à ceux qui cherchent la vérité de bonne foi et dont l'âme est assez dégagée des liens terrestres pour la comprendre. Mais ils s'éloignent de ceux qu'animent la seule curiosité ou que l'influence de la matière détourne de la pratique du bien. Lorsque, par exception, ils s'incarnent sur la terre, c'est pour y accomplir une mission de progrès. Et ils nous offrent alors le type de la perfection à laquelle l'humanité peut aspirer ici-bas. Premier ordre. Pur esprit. Repère 112. Caractères généraux. Influence de la matière nulle, supériorité intellectuelle et morale absolue par rapport aux esprits des autres ordres. Repère 113. Première classe, classe unique. Ils ont parcouru tous les degrés de l'échelle et dépouillé toutes les impuretés de la matière. Ayant atteint la somme de perfection dont est susceptible la créature, ils n'ont plus à subir ni épreuve ni expiation. N'étant plus sujets à la réincarnation dans des corps périssables, c'est pour eux la vie éternelle qu'ils accomplissent dans le sein de Dieu. Ils jouissent d'un bonheur inaltérable, parce qu'ils ne sont sujets ni aux besoins ni aux vicissitudes de la vie matérielle. Mais ce bonheur n'est point celui d'une oisiveté monotone passée dans une contemplation perpétuelle. Ils sont les messagers et les ministres de Dieu dont ils exécutent les ordres pour le maintien de l'harmonie universelle. Ils commandent à tous les esprits qui leur sont inférieurs, ils aident à se perfectionner et leur assignent leur mission. Assister les hommes dans leur détresse, les exciter au bien et à l'expiation des fautes qui les éloignent de la félicité suprême est pour eux une douce occupation. On les désigne quelquefois sous les noms d'anges, archanges ou séraphins. Les hommes peuvent entrer en communication avec eux, mais bien présomptueux serait celui qui prétendrait les avoir constamment à ses ordres. Titre 1. Progression des esprits. Repère 114. Question. Les esprits sont-ils bons ou mauvais par leur nature, ou bien sont-ils les mêmes esprits qui s'améliorent ? Réponse. Les mêmes esprits qui s'améliorent. En s'améliorant, ils passent d'un ordre inférieur dans un ordre supérieur. Repère 115. Question. Parmi les esprits, les uns ont-ils été créés bons et les autres mauvais ? Réponse. Dieu a créé tous les esprits simples et ignorants, c'est-à-dire sans science. Il leur a donné à chacun une mission dans le but de les éclairer et de les faire arriver progressivement à la perfection par la connaissance de la vérité et pour les rapprocher de lui. Le bonheur éternel et sans mélange est pour eux dans cette perfection. Les esprits acquièrent ces connaissances en passant par les épreuves que Dieu leur impose. Les uns acceptent ces épreuves avec soumission et arrivent plus promptement au but de leur destinée. D'autres ne les subissent qu'avec murmure et restent ainsi, par leur faute, éloignés de la perfection et de la félicité promise. Question. D'après cela, les esprits sembleraient être à leur origine, comme sont les enfants, ignorants et sans expérience, mais acquérant peu à peu les connaissances qui leur manquent en parcourant les différentes phases de la vie. Réponse. Oui, la comparaison est juste. L'enfant rebelle reste ignorant et imparfait. Il profite plus ou moins selon sa docilité, mais la vie de l'homme a un terme et celle des esprits s'étend dans l'infini. Repère 116. Question. Y a-t-il des esprits qui resteront à perpétuité dans les rangs inférieurs ? Réponse. Non. Tous deviendront parfaits. Ils changent, mais c'est long. Car, comme nous l'avons dit une autre fois, un père juste et miséricordieux ne peut bannir éternellement ses enfants. Tu voudrais donc que Dieu, si grand, si bon, si juste, fût pire que vous ne l'êtes vous-même ? Repère 117. Question. Dépend-il des esprits de hâter leur progrès vers la perfection ? Réponse. Certainement. Ils arrivent plus ou moins vite selon leurs désirs et leur soumission à la volonté de Dieu. Un enfant docile ne s'instruit-il pas plus vite qu'un enfant rétif ? Repère 118. Les esprits peuvent-ils dégénérer ? Réponse. Non. À mesure qu'ils avancent, ils comprennent ce qui les éloignait de la perfection. Quand l'esprit a fini une épreuve, il a la science et il ne l'oublie pas. Il peut rester stationnaire, mais il ne rétrograde pas. Repère 119. Question. Dieu ne pouvait-il affranchir les esprits des épreuves qu'ils doivent subir pour arriver au premier rang? Réponse. S'ils avaient été créés parfaits, ils seraient sans mérite pour jouir des bienfaits de cette perfection. Où serait le mérite sans la lutte? D'ailleurs, l'inégalité qui existe entre eux est nécessaire à leur personnalité. Et puis la mission qu'ils accomplissent dans ces différents degrés et dans les vues de la Providence pour l'harmonie de l'univers. Commentaire. Puisque, dans la vie sociale, tous les hommes peuvent arriver aux premières fonctions, autant vaudrait demander pourquoi le souverain d'un pays ne fait pas des généraux de chacun de ses soldats? Pourquoi tous les employés subalternes ne sont pas des employés supérieurs? Pourquoi tous les écoliers ne sont pas des maîtres? Or, il y a cette différence entre la vie sociale et la vie spirituelle, que la première est bornée et ne permet pas toujours de monter tous les degrés, tandis que la seconde est indéfinie et laisse à chacun la responsabilité de s'élever au rang suprême. Repère 120. Tous les esprits passent-ils par la filière du mal pour arriver au bien? Réponse. Non par la filière du mal, mais par celle de l'ignorance. Repère 121. Question. Pourquoi certains esprits ont-ils suivi la route du bien et d'autres celle du mal? Réponse. N'ont-ils pas leur libre arbitre? Dieu n'a point créé d'esprits mauvais, il les a créés simples et ignorants, c'est-à-dire ayant autant d'aptitude pour le bien que pour le mal. Ceux qui sont mauvais le deviennent par leur volonté. Repère 122. Comment les esprits à leur origine, alors qu'ils n'ont pas encore la conscience d'eux-mêmes, peuvent-ils avoir la liberté du choix entre le bien et le mal? Y a-t-il en eux un principe, une tendance quelconque, qui les porte plutôt dans une voie que dans une autre? Réponse. Le libre arbitre se développe à mesure que l'esprit acquiert la conscience de lui-même. Il n'y aurait plus liberté si le choix était sollicité par une cause indépendante de la volonté de l'esprit. La cause n'est pas en lui, elle est hors de lui, dans les influences auxquelles il cède en vertu de sa libre volonté. C'est la grande figure de la chute de l'homme et du péché originel. Les uns ont cédé à la tentation, les autres ont résisté. Question. D'où viennent les influences qui s'exercent sur lui? Réponse. Des esprits imparfaits qui cherchent à s'emparer de lui, à le dominer et qui sont heureux de le faire succomber. C'est ce que l'on a voulu peindre par la figure de Satan. Question. Cette influence ne s'exerce-t-elle sur l'esprit qu'à son origine? Réponse. Elle le suit dans sa vie d'esprit jusqu'à ce qu'il ait tellement pris d'empire sur lui-même que les mauvais renoncent à l'obséder. Repère 123. Question. Pourquoi Dieu a-t-il permis que les esprits puissent suivre la voie du mal? Réponse. Comment osez-vous demander à Dieu compte de ses actes? Pensez-vous pouvoir pénétrer ses desseins? Pourtant, vous pouvez vous dire ceci. La sagesse de Dieu est dans la liberté qu'il laisse à chacun de choisir, car chacun a le mérite de ses œuvres. Repère 124. Question. Puisqu'il y a des esprits qui, dès le principe, suivent la route du bien absolu et d'autres celle du mal absolu, il y a sans doute des degrés entre ces deux extrêmes. Réponse. Oui, certainement, et c'est la grande majorité. Repère 125. Question. Les esprits qui ont suivi la route du mal pourront-ils arriver au même degré de supériorité que les autres? Réponse. Oui, mais les éternités seront plus longues pour eux. Commentaire. Par ce mot, les éternités, on doit entendre l'idée qu'ont les esprits inférieurs de la perpétuité de leur souffrance, parce qu'il ne leur est pas donné d'en voir le terme, et que cette idée se renouvelle à toutes les épreuves auxquelles ils succombent. Repère 126. Question. Les esprits arrivent au suprême degré après avoir passé par le mal, ont-ils moins de mérite que les autres aux yeux de Dieu? Réponse. Dieu contemple les égarés du même œil et les aime tous du même cœur. Ils sont dits mauvais parce qu'ils ont succombé. Ils n'étaient avant que de simples esprits. Repère 127. Question. Les esprits sont-ils créés égaux en faculté intellectuelle? Réponse. Ils sont créés égaux, mais ne sachant pas d'où ils viennent, il faut que le libre arbitre ait son cours. Ils progressent plus ou moins rapidement en intelligence comme en moralité. Commentaire. Les esprits qui suivent dès le principe la route du bien ne sont pas pour cela des esprits parfaits. Ils n'ont pas des tendances mauvaises, ils n'en ont pas moins à acquérir l'expérience et les connaissances nécessaires pour atteindre à la perfection. Nous pouvons les comparer à des enfants qui, quelle que soit la bonté de leurs instincts naturels, ont besoin de se développer, de s'éclairer et n'arrivent pas sans transition de l'âge à l'âge mûr. Souvent, comme nous avons des hommes qui sont bons et d'autres qui sont mauvais dès leur enfance, et même il y a des esprits qui sont bons ou mauvais dès leur principe, avec cette différence capitale que l'enfant tout formé, tandis que l'esprit, à sa transformation, n'est pas plus mauvais que bon. Il a toutes les tendances et prend l'une ou l'autre direction par l'effet de ses libres arbitres. Titre. Anges et démons. Repère 128. Question. Les êtres que nous appelons anges, archanges, séraphins, forment-ils une catégorie spéciale d'une nature différente des autres esprits? Réponse. Non. Ce sont les purs esprits, ceux qui sont au plus haut degré de l'échelle et réunissent toutes les perfections. Commentaire. Le mot « ange » réveille généralement l'idée de la perfection morale. Cependant, on l'applique souvent à tous les êtres bons et mauvais qui sont en dehors de l'humanité. On dit « le bon et le mauvais ange », l'ange de lumière et l'ange des ténèbres. Dans ce cas, il est synonyme d'esprit ou de génie. Nous le prenons ici dans sa bonne acception. Repère 129. Question. Les anges ont-ils parcouru tous les degrés? Réponse. Ils ont parcouru tous les degrés, mais, comme nous l'avons dit, les uns ont accepté leur mission sans murmure et sont arrivés plus vite. Les autres ont mis un temps plus ou moins long pour arriver à la perfection. Repère 130. Si l'opinion qui admet des êtres créés parfaits est supérieure à toutes les autres créatures est erronée, comment se fait-il qu'elle soit dans la tradition de presque tous les peuples? Réponse. Sache bien que ton monde n'est pas de toute éternité et que, longtemps avant qu'il existât, des esprits avaient atteint le suprême degré. Les hommes alors ont pu croire qu'ils avaient toujours été de même. Repère 131. Question. Y a-t-il des démons dans le sens attaché à ce mot? Réponse. S'il y avait des démons, ils seraient l'œuvre de Dieu, et Dieu serait-il juste et bon d'avoir fait des êtres éternellement voués au mal et malheureux? S'il y a des démons, c'est dans ton monde inférieur et autres semblables qu'ils résident. Ce sont ces hommes hypocrites qui font d'un Dieu juste un Dieu méchant et vindicatif, et qui croient lui être agréable par les abominations qu'ils commettent en son nom. Commentaire. Le mot « démon » n'implique l'idée de mauvais esprit que dans son acception moderne, car le mot grec « daimon », d'où il est formé, signifie « génie, intelligence », et se disait des êtres incorporels, bons ou mauvais, sans distinction. Les démons, selon l'acception vulgaire du mot, supposent des êtres essentiellement malfaisants. Ils seraient, comme toute chose, la création de Dieu. Or, Dieu, qui est souverainement juste et bon, ne peut avoir créé des êtres préposés au mal par leur nature et condamnés pour l'éternité. S'ils n'étaient pas l'œuvre de Dieu, ils seraient donc comme lui de toute éternité, ou bien il y aurait plusieurs puissances souveraines. La première condition de toute doctrine, c'est d'être logique. Or, celle des démons, dans le sens absolu, pêche par cette base essentielle. que dans la croyance des peuples arriérés qui, ne connaissant pas les attributs de Dieu, admettent des divinités malfaisantes ou admettent aussi des démons, cela se conçoit. Mais pour quiconque fait de la bonté de Dieu un attribut par excellence, il est illogique et contradictoire de supposer qu'il ait pu créer des êtres voués au mal et destinés à le faire à perpétuité, car c'est nier sa bonté. Les partisans des démons s'éteignent des paroles du Christ. Ce n'est certes pas nous qui contesterons l'autorité de son enseignement, que nous voudrions voir dans le cœur plus que dans la bouche des hommes. Mais est-on bien certain du sens qu'il attachait au mot démon? Ne sait-on pas que la forme allégorique est un des cachets distinctifs de son langage? Et tout ce que renferme l'Évangile doit-il être pris à la lettre? Nous n'en voulons d'autres preuves que ce passage. Ouvrez les guillemets. Aussitôt après ces jours d'affliction, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances du ciel seront ébranlées. Je vous dis en vérité que cette race ne passera point que toutes ces choses ne soient accomplies. Fermez les guillemets. N'avons-nous pas vu la forme du texte biblique contredire par la science en ce qui touche la création et le mouvement de la terre? N'en peut-il être de même de certaines figures employées par le Christ, qui devaient parler selon le temps et les lieux? Le Christ n'a pu dire sciemment une chose fausse, si donc dans ses paroles il y a des choses qui paraissent choquer la raison. C'est que nous ne les comprenons pas, ou que nous les interprétons mal. Les hommes ont fait pour les démons ce qu'ils ont fait pour les anges. De même qu'ils ont cru à des êtres parfaits de toute éternité, ils ont pris les esprits inférieurs pour des êtres perpétuellement mauvais. Le mot démon doit donc s'entendre des esprits impurs qui souvent ne valent pas mieux que ceux désignés sous ce nom, mais avec cette différence que leur état n'est que transitoire. Ce sont des esprits imparfaits qui murmurent contre les épreuves qu'ils subissent et qui, pour cela, les subissent plus longtemps, mais qui arriveront à leur tour, quand ils en auront la volonté. On pourrait donc accepter le mot démon avec cette restriction. Mais, comme on l'entend maintenant dans un sens exclusif, il pourrait induire en erreur en faisant croire à l'existence d'êtres spéciaux créés pour le mal. À l'égard de Satan, c'est évidemment la personnification du mal sous une forme allégorique, car on ne saurait admettre un être mauvais luttant de puissance à puissance avec la divinité, et dont la seule préoccupation serait de contrecarrer ses desseins. Comme il faut à l'homme des figures et des images pour frapper son imagination, il a peint les êtres incorporés sous une forme matérielle avec des attributs rappelant leurs qualités ou leurs défauts. C'est ainsi que les anciens, voulant personnifier le temps, l'ont peint sous la figure d'un vieillard, avec une faux et un sablier. Une figure de jeune homme eût été un contresens. Il en est de même des allégories de la fortune, de la vérité, etc. Les modernes ont représenté les anges ou pur esprit sous une figure radieuse, avec des ailes blanches, emblème de la pureté. Satan, avec des cornes, des griffes et des attributs de la bestialité, emblème de basse passion. Le vulgaire, qui prend les choses à la lettre, a vu dans ses emblèmes un individu réel, comme jadis, il avait vu Saturne dans l'allégorie du temps.